Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson. Fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2 pour les Lorrains. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, assisté de Guillaume aujourd'hui, pour vous présenter cette 21e émission de la cerise sur le canto. Alors vous connaissez le principe, chanson d'hier, d'avant-hier ou tube de demain, c'est un véritable panorama dédié à la chanson française de tous les temps. La chanson, on entend souvent ça. Une question de génération. Mon œil. Mais non, c'est simplement une question de diffusion. Combien de titres dormaient, bien oubliés de tous, et sont ressortis, adaptés aux accompagnements musicaux actuels, et sont devenus les tubes d'aujourd'hui. La mélodie est bien vivante. Allez, la cerise sur le canto, elle s'adresse à tous les âges. Et puis, un jury neutre qui classe les chansons programmées et qui élit les trois gagnantes de l'émission sans plus tarder. Les résultats de la cerise sur le canto numéro 20, c'était il y a 15 jours. Médaille de bronze, Serge Lama, le temps de la rengaine. C'était le temps de la fringale. On avait souvent l'estomac dans les talons pour arroser nos amygdales. Même le dimanche, on se passait de mouettes et chandons. Maman rêvait qu'elle avait une vraie cuisine pendant que papa baritonnait aux capucines. C'était un temps chouette que ce temps-là. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. C'était le temps de la communale. J'usais ma voix presque autant que mes pantalons. J'étais presque un enfant de la balle. Je faisais partout le bonheur des récréations. Un jour papa a vendu de la margarine pour que maman puisse chanter dans sa cuisine. C'était entendu que ce temps-là. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. Mais peut-être qu'un jour, quand les poissons auront des ailes, peut-être bien qu'un jour, lorsque les poules auront des dents, papa viendra me chanter des chansons nouvelles. Certains soirs, quand j'ai le cœur gros, je les entends tout comme au temps. La la la la la, la rengaine. La la la la. Allez, allez, vas-y, papa. Papa. Papa. Viens me chanter tes chansons nouvelles. Oui, rechante-moi toutes tes musiques de ce temps-là. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps. Faire de la musique en ce temps. Faire de la musique en ce temps-là. Sur la deuxième marche du podium, Marcel. Marcel Mouloudji. Et oui, qui a été repris et retravaillé par Bon Entendeur. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, à l'amour, dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet, et le jour porte un masque, qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. L'amour, l'amour, à l'amour, ton amour, l'amour, à l'amour. Médaille d'or de cette cerise sur le canto numéro 20, eh bien c'est Julien Clerc avec Hélène. Le satin noir sur son teint blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh oh. À vous c'est troublant. Je noierais bien si pour 10 ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh oh, de tous tes monts blancs. Moi je retourne chez ma maman, oh oh. Moi chez ma maman. sur ses seins blancs. Avoue, baignoire, que c'est troublant. Oh, oh. Avoue, c'est troublant. Hélène, je suis pas Verlaine. Si vous avez manqué notre diffusion, ben c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas la peine d'appeler police secours ou les pompiers. De toute manière, rendez-vous sur le site de la radio, Radio Fagette, et recherchez votre émission, vous cliquez, et vous accédez au podcast de cette dernière émission, tout simplement. Et puis n'oubliez pas, par la même occasion, de vous rendre sur la page Facebook de la Cerise sur le Canto pour y jouer au tiercé des chansons. Allez, place à la sélection du jour, extrait de l'album sans titre, mais qui pourrait bien être Place de ma Mob, en 1977, chez Germaine. Ah, c'était vraiment Byzance, tous les jours de la semaine, on était en vacances, Germaine Renaud. Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il y avait Che Guevara, les Pink Floyd et Johnny. Sur le vieil électrophone, trop souvent les traquait, elle écoutait les Stones et Maxime Le Forestier. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au brème. Pour te dire que je t'aime, qu'importe le tempo. Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au brème. Pour te dire que je t'aime et que j'étais dans la peau. Ça sentait bon chez elle, l'herbe et le patchouli, le parfum des poubelles au petit matin gris. On buvait de la bière et du thé au jasmin, assis en rond par terre sur un tapis indien. Les voisins du dessous étaient bien sympathiques, quand on faisait trop les fous, ils se plaignaient qu'aux flics. Enfin bref, chez Germaine, c'était vraiment Byzance, tous les jours de la semaine, on était en vacances. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au brème. Pour te dire que je t'aime, qu'importe le tempo. Oh oh, Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au brème. Pour te dire que je t'aime et que j't'ai dans la peau, toi dodo. Mais quand elle est partie un jour pour Katmandou, moi je vous jure les amis, ça m'a fichu un coup. Sur la place Saint-Michel où elle traînait parfois, on parle encore d'elle, des sanglots dans la voix. Moi j'ai repris sa piole, mais c'est plus comme avant, c'est même plus vraiment drôle. Elle me manque souvent, mais son électrophone, elle me l'a laissé, comme ses disques des Stones et de Maxime Le Forestier. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au brème. Pour te dire que je t'aime et que j'aime la Canterbro. Oh oh, Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au même pour te dire que je t'aime et que je t'ai dans la peau. Une Lorraine, et plus précisément une Meusienne de Bar-le-Duc. Chanteuse et comédienne, elle évolue sur scène depuis l'âge de 8 ans. En 2008, à 21 ans, elle a participé à l'émission « N'oubliez pas les paroles » avec Nagui. Ben, elle a gagné 35 000 euros. Ben, bon, ça me fait du beurre dans les épinards. Et c'est en 2011 qu'elle sort son premier album « Dracula, l'amour plus fort que la mort ». En 2012, « Salut les copains ». En 2013, « La Reine des Neiges ». Oh, « La Reine des Neiges ». En 2014, « Hansel et Gretel ». En 2015, Anaïs Delva et les princesses Disney. Et en 2016, L'abeille lunatique. Non, le titre, c'est The Lunatic Bee. Et des singles, dont en 2018, Et je danse, Anaïs Delva. Il y a le soleil qui se cache encore. Demande pourquoi, si la lumière change de port, je m'en vais là où elle va. Pour la bohème et les petits riens, j'ai brûlé quelques cierges, des entaillades dissimulées, des mots sur des pages vierges. Je veux changer d'air, de la chaleur en hiver. Après avoir joué dans les orchestres de Ray Ventura et de Jacques Ellian, ses succès s'enchaînent avec de nombreux titres sous une forme amusante et humoristique de comique troupier, rejoignant ainsi les musiques de divertissement. Et puis, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 10 ans, de 1952 à 1962, Fred Addison sera le chef d'orchestre du Cirque Pinder quand un gendarme rit Fred Addison. Vous avez raison. Et souvenez-vous, Pandore, que nonobstant la chanson, la brigadier a toujours raison. Oh. y a des gens qui sont remplis d'alarme quand ils voient le képi d'un gendarme. Ces gens-là sont délicats. Je connais dans ma petite ville la prison qui sous son air tranquille est cotée pour s'inquiéter. Quand un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Le premier brigadier se met à rigoler à gorge déployée avec le prisonnier. C'est un endroit charmant, tout rempli d'agréments. Quand on y a goûté, on en reprend. Quand un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Rassemblement, vous autres! De nombreux larcins ayant été commis nuitamment dans la commune, une expédition sera organisée dès ce soir. Départ à minuit, le brigadier espère que chacun fera son devoir. Pour pincer un voleur de salade, l'autre nuit, étant en embuscade, il quêtait dans les navets. Tout à coup, l'un d'eux saisit un homme qui s'écrie « Au secours, on m'assomme, arrêtez, je suis le brigadier !» Quand un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Aveuglés par la peur, ils avaient fait erreur, prenant pour le voleur leur brigadier la fleur. Le gendarme est coté pour être sans pitié, et dans l'obscurité, ils l'ont rossé. Quand un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Sa jeunesse, sa beauté, sa voix douce et caressante, Valérie Lambert nous enchante. Extrait de son unique album « Éternelle jeunesse », composé par Éric Nouvel et Michael Larchange, flash souvenir, Valérie Lambert. Et toi qui m'invites à danser, un sax qui pleure dans la nuit, et dans mon cœur et dans ma vie, les premières flammes d'un incendie. Des mots nouveaux, des mots magiques, en accord avec la musique que jouent les vagues de l'Atlantique. Un désir de tout partager, d'aller plus loin que l'amitié, quitte un jour à le regretter. Souvenir qui me donne envie de te revoir et de croire qu'on n'aime jamais par hasard, même si tout est fini aujourd'hui. Seul au monde, sous les lasers des étoiles blondes, comme la tendresse qui nous inonde. Dans nos yeux la même espérance, que cette rencontre avec la chance soit plus qu'un amour de vacances. Et puis ce matin qui revient, qui nous surprend main dans la main, amoureux fou d'un rêve sans fin. Comme un avion vers le soleil, nos rires qui montent jusqu'au ciel, au point de nous croire éternels. Tout est fini aujourd'hui. Souvenir qui me donne envie de te revoir et de croire qu'il n'est pas déjà trop tard pour être enfin heureux tous les deux. Et de croire qu'il n'est pas déjà trop tard pour être enfin heureux tous les deux. Dévoilée au printemps 2019, la chanson « Donnez-moi » a été inspirée des paroles de Saint Paul. Saint Paul, oui, vous savez, l'évangile. S'il me manque l'amour, je ne suis plus rien. Et pour la musique, ben c'est Vianney qui a apporté sa touche reconnaissable entre toutes, une mélodie tonique et dansante, et une belle histoire d'amitié et de rencontre. Donnez-moi les frangines. Il n'aimait pas son visage poupin, hein, il ne pouvait pas se voir en peinture. Alors il se crêpa les cheveux, vissa sur sa tête un chapeau de feutre mou rabattu en arrière, s'habilla avec un complet veston bleu et planta un œillet rouge à sa boutonnière. C'était la fin de son service militaire en 1937. Le fou chantant entamait dès lors une longue tournée internationale qui le conduisit en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Maroc, en Grèce, en Turquie et en Égypte. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien entendu de Monsieur Charles Trenet, vous oubliez votre cheval. Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères, hier dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tangpita et d'abordage. Mais les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou Maison Lafitte? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval, vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment à plutôt vous avez connu grand-mère, comment à Paris le soir du Grand Prix vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval. C'était le 1er mars 2019 que Chaim dévoilait un double lead single dans le titre Puerto Rico en duo avec le rappeur Vegedweeb. Encore du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, du pipo, encore du pipo, Puerto Rico, Chim et Vegedram. Il veut m'emmener à Puerto Rico. Il sait pas que j'ai changé de pigo. Pour lui, c'est la fin des haricots. Je vais disparaître dans le noir. Encore du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Encore du pipo. Au début, c'est le fuego, vous êtes tous pareils. Je te sers un hélico sous tes douces caresses. Tu te rends même pas compte que tu fais tout travers. Foireuse, te plaît, faut que t'arrêtes. Je te mets la bague au doigt, on se casse au soleil. Y'aura que toi et moi, t'en fais pas pour l'oseille. Jamais je te ferai du mal, bébé, je t'aime trop pour ça. Je courrai d'amour et tire-toi de là. Pourtant, j'ai vu des dingueries dans ta story. Ouais, ouais, c'est ça, il manque, c'est ta copine. Tu l'embrasses comme dans Ouais, sa story. veut m'emmener à Puerto Rico. Il sait pas que j'ai changé de pico. Pour lui c'est la fin des haricots. Je vais disparaître dans le noir. Encore du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Du pipo, du pipo, du pipo. Tu ne veux plus rien savoir de ce que je te raconte mon bébé. Je n'y vois rien avec un discours congolais. Tu savais où tu mettais les pieds. Malgré ça tu doutes encore de moi. Viens aussi à Puerto Rico, que Rico. Prends même tes pingos, toi et moi. Combat c'est plus qu'un classico. Mexico, Mexico, allons à Mexico. Où tu veux on ira. J'ai pas raté la cible, je joue pas, je réussis. Je pourrais prendre ton visage, Léonard de Vinci. Ne fais pas l'insensible, ne joue pas l'impulsif. Je te mettrai des fans de corps comme Lionel Messi. Il veut m'emmener à Puerto Rico. Il sait pas que j'ai changé de pigo. Au nom du cœur, c'est le titre d'un roman écrit par Daniel E. Steele et c'est aussi une chanson de Maggie Boll. Maggie Boll, bah oui, c'est son nom d'artiste, s'appelait Magali Boll. Alors Maggie Boll s'est spécialisée dans la chanson réaliste, désopilante, gorgée d'humour. Et cela étant dit, dans la chanson suivante, elle nous parle d'humanité. Un titre écrit pour l'association Les Poulettes, destiné à sensibiliser et promouvoir le droit d'organes, le don d'organes. Moi qui suis morte et toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle, et toi qui crains et moi qui saute, le malheur des uns fait le cœur des autres. De toute façon, quand on est mort, on m'a dit qu'on ne sentait plus rien, ça ne vaut pas le coup de garder son corps, fais pas le radin, donne le tien. Au nom du cœur, Maggie Boll. Mon âme cessera, fait la belle, quand elle cognera chez Saint-Pierre, quand mon cœur se fera rebelle, elle sera devant chez Lucifer. Alors s'il te plaît, n'hésite pas, vas-y Franco, ne tremble pas, je ne sais pas ce que tu trouveras, mais honnêtement, tout est pour toi. J'avoue que j'ai un peu abusé, j'ai pas mal tiré sur le carrosse, sûr que je pourrais même distiller un peu d'alcool avec mes os. Mais si par chance il reste un bout de moi, l'épinière là au milieu, sache que je serai heureuse comme tout si je peux t'en dépanner un peu. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. Mes intestins, je te les souhaite pas, même pour en faire du boudin. Ils sont bien détraqués, crois-moi, je voudrais pas te faire chier pour rien. J'ai le tympan tout martelé, les cordes vocales désaccordées, mais mes rétines, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas encore morflé. Avant que les vers ne se mettent à table, qu'ils grignotent ma tripaille, coupe leur la chic à ses morphales et va te servir dans mes entrailles. Tu trouveras peut-être des reins flétris, un foie un petit peu trop rempli, des poumons fumés au cambouis, mais je te donne un cœur qui sourit. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. En écrivant cet inventaire, je réalise que malgré moi, il y a toujours eu de l'orage dans l'air. Entre le sport et la java, mais c'est sans doute grâce aux abus, aux soirs de fête entre copains, aux joints fumés au coin de la rue, que j'ai de quoi remplir mes quatrains. Et si par bonheur d'allégresse, par le hasard d'un long chemin, je trépasse juste par ma vieillesse, il se peut que je ne te lègue rien. Dans ce cas, j'espère que la chanson que j'aurai composée sur l'heure servira de mille façons à recycler d'autres cœurs. Pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou. Moi qui suis morte, toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle. Et toi qui crains, et moi qui saute, le malheur des uns fait le cœur des autres. Toute façon, quand on est mort, on m'a dit qu'on sentait plus rien. Ça vaut pas le coup de garder son corps. Fais pas le radin, donne le tien. Alors, ben, ça, c'est une chanson qui a été enregistrée par Maggy Boll il y a déjà quelques années. Et à l'époque, pour donner ses organes, je parle de post-mortem, bien entendu. Je parle pas, on va pas vous prendre votre cœur, votre foie, votre rate. Si vous êtes en bonne santé, pour le donner à quelqu'un d'autre, surtout si vous êtes riche. Bon, donc la loi a évolué. Avant, du temps où Maggy Boll a formulé cette chanson, il fallait démontrer, exprimer qu'on voulait donner ses organes en cas de mort, quoi. Et tout le monde était d'accord, pratiquement, mais personne ne faisait la démarche de l'exprimer. Et combien de gens auraient pu être sauvés si on avait pu avoir ses organes. Alors, en 2016, eh bien, il y a eu une nouvelle loi concernant les dons d'organes. C'est pas vieux, hein, il y a 3 ans. Alors, la modalité du don d'organes ou de tissus. Il est possible de donner un organe ou des tissus de son vivant ou après sa mort. Mais 92% des dons d'organes ou des tissus proviennent d'une personne décédée. Et permettre le prélèvement de ses organes ou de ses tissus après son décès est un acte de générosité et de solidarité. Et le geste permet, bien entendu, de sauver de nombreuses vies. Et depuis la loi du 22 décembre 2016, c'est la fameuse loi Cavaillé, chacun est présumé donneur. Nous sommes tous donneurs, sauf en cas de refus exprimé de son vivant. Alors, le principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par le législateur et encore une fois par la loi de modernisation du système de santé. Donc, il s'agit d'éclaircir le rôle des proches et précise comment refuser ces dons d'organes. Ben, c'est très simple. Si vous n'êtes pas d'accord pour donner vos organes, il y a un grand registre. Vous vous inscrivez dessus et puis c'est tout. Et on ne vous prélèvera pas vos organes post-mortem. Voilà. C'est un registre qui est en ligne, qui est géré par l'Agence de la biomédecine, et qui peut s'inscrire dessus ? Tout le monde à partir de l'âge de 13 ans. Voilà. Donc les donneurs d'organes, ça a bien évolué. Maintenant, nous sommes tous donneurs, et c'est ce qu'il faut retenir. Chaville. Alors, Chaville, c'est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France. Et Chaville a la particularité de disposer d'un patrimoine écologique remarquable. En effet, la moitié de son territoire est occupée par des forêts, héritage des rois de France. En tout cas, il y avait de l'herbe tendre et du muguet, et c'était suffisant à Pierre Détaille et Claude Roland pour en faire une chanson, Le Bois de Chaville, Odette Laure. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé dans l'herbe, et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés. Samedi soir et France dimanche, n'en ont pas parlé. Au lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je suis envahie d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute il va naître mon pauvre ingénu, qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Les fessées, la varicelle, le premier amour, cette grande passion éternelle qui dure quelques jours. Et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les serments, les sergents de ville et les grands projets. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Ils t'enverront faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à grand-père et à ton papa. Ça revient de façon régulière, tu n'y couperas pas. Voilà mon cher petit homme, tout ce qui t'attend. Parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. Les heures sont parfois cruelles, mais si tu savais que je te dois la plus belle, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du Le 31 août 2018, Boulevard Désert sort l'album « Je me dis que toi aussi ». Immédiatement classé dans les trois meilleures ventes dès sa sortie. Et cet album comporte un duo avec leur ami Vianney. Allez reste, Boulevard Désert et Vianney. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux. Une chanson, King is dead. Retenez bien ces trois mots, King is dead. Dégoté en Angleterre par le musicien Tony Cole, était proposé en priorité à Michel Sardou. Lui, il la refusa. C'est alors que Johnny Hallyday, impressionné par la modernité de la mélodie dans les notes qui martèlent le sol, s'intéressa à ce morceau. Long Chris en adapta le texte. Oh, il rama un peu, hein, même beaucoup. Et puis, un dimanche matin, il ramait bien sûr, il était chez lui, et se trouvait sur sa table de travail un hebdomadaire féminin, en l'occurrence on va le citer, Elle. Bon allez, on ne va pas faire de publicité, Femme Actuelle, Madame Figaro, Cosmopolitan. Et il a eu l'idée de changer King is Dead en Gabriel. Le disque 45 tours, sorti en 1976, se plaça immédiatement en tête des ventes en France. Il devint un titre majeur dans le répertoire de Johnny Hallyday. Ce sont ses fans qui, lors des concerts, reprenaient le refrain, poignées croisées au-dessus de la tête, « J'ai refusé mourir d'amour enchaîné ». Tentative de version de Nicolas Sarkozy ou version de Johnny Hallyday, allez, j'ai pas hésité longtemps, Gabriel Johnny Hallyday. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une fille. Une fille que vous connaissez tous très bien. Vous voyez qui je veux dire ? Vous voyez qui je veux dire ? Et vous ? Vous voyez qui je veux dire ? Alors dites-moi son nom. Comment ? Comment vous dites ? Vous êtes sûr ? Oui, Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Entendre la vie et ne plus me souffler sous tes rires. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Les ans de chaîne sans voir le jour étaient ma peine forcée. celui qui veut ma place. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 21. Merci à Guillaume et à Yves pour la réalisation technique. Et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission. Et n'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons. Un cadeau attend le premier gagnant de la quinzaine. En attendant, soyez heureux en écoutant Radio Fagette Nancy, 94.2, ça c'est pour les Lorrains, ou sur le net, fagette.net en ligne, et ça c'est pour les autres Européens. Allez, au revoir !